ne pas bleu, mais juste un tout petit peu fatigué. Les rêves de berge de la lune pâle, sous des pavillons plutôt minables. Thomas, Thomas, Thomas, je ne peux pas s'allumer. Putain, t'aurais vu ça m'en fasse. Nous vîmes débarquer la voiture, les charmes apparentes de notre hôte. La nuit était plutôt douce, l'ombre de sa part sur le pavé. Il s'anoumit un peu la frousse, mais nous empêcha pas de penser. Thomas, Thomas, ne se passe rien. Thomas, Thomas, Thomas, à tout à l'heure, putain de rêve, ça m'emballe. Tout va démarquer la passion, les charmes parents de notre homme. La nuit était plutôt douce, l'ombre de sa face sur le pavé. Il s'anoumit un peu la frousse, mais nous empêcha pas de penser. Heureusement, c'est l'heure de passer. Heureusement.